Chapitre 4. Une visite à la trappe. Monsieur Le Troidec se présenta chez Madame de Kerdoret le jour qu'il avait dit. Cette dame tenait à le remercier de sa bienveillance pour les jeunes collégiens. Elle l'accueillit le plus amicalement du monde. Il eut beau prétexter des affaires pour ne point accepter à dîner, on le retint malgré lui, et ce fut à table qu'il entama l'histoire dont le titre avait si vivement piqué la curiosité des enfants. Madame de Kerdoret fut la première à lui rappeler sa promesse. « Monsieur, lui dit-elle quand on fut au dessert, je sais avec quelle complaisance vous voulez bien raconter à mon fils et à mon neveu quelques-uns des événements si intéressants de votre carrière. Je vous en suis très reconnaissante. Ces récits sont pour eux des leçons très utiles. Il est bon que les jeunes gens se familiarisent vite avec l'idée du danger, qu'ils sachent ce qu'il faut à l'homme de courage et d'énergie pour triompher des obstacles et se créer une position honorable. Vous leur avez aussi parlé, je crois, d'une visite chez les trappistes. Je ne vous cache pas que je partage leur désir de connaître l'existence vraiment extraordinaire de ces religieux. Si rien ne vous force à nous quitter encore, je serai très heureuse de vous entendre. « Madame, répondit Monsieur Le Troidec, je ne me flatte pas d'être un conteur habile, mais puisque vous le désirez, je vous dirai très volontiers ce que j'ai vu dans un de leurs monastères. J'ai lu quelque part que l'abbaye de la Trappe fut fondée au XIIe siècle par Rotrou, comte de Perche, sur le territoire qui forme aujourd'hui le département de l'Orne. L'ordre s'étant relâché peu à peu, le célèbre abbé Armand Jean le Boutillier de Rancé entreprit, en 1662, d'y faire refleurir les anciennes coutumes. Après avoir passé la première moitié de sa vie dans le monde, il vint, à la mort de Madame de Montbazon, ensevelir sa douleur dans le silence du cloître, et il mourut comme les autres moines, couché sur la paille et sur la cendre. On m'avait bien souvent entretenu de ces hommes qui vivent entièrement morts au monde et s'éteignent inconnus sans qu'aucun bruit du dehors soit parvenu à leurs oreilles depuis leur entrée dans le couvent. On m'avait parlé de la fosse creusée chaque jour par le trappiste, de la tête de mort suspendue dans sa cellule, de mille autres choses auxquelles j'avais peine à croire. Je n'étais pas fâché de m'assurer par moi-même du plus ou moins de vérité de ce qu'on avançait à cet égard. Je saisis, avec empressement, l'occasion d'entrer dans l'une de leurs maisons. Les enfants vous ont peut-être dit, madame, que vers la fin de 1830, je passais un mois chez un de mes amis à Laval. Ce fut lui qui m'engagea à faire cette excursion. Nous partîmes par une froide matinée d'octobre, et nous prîmes la route de Château-Gontier. Nous atteignîmes promptement le village d'Entrammes, situé à 2 ou 3 lieues de la ville. 10 minutes après, nous sonnions à la porte du monastère. Le portier vint nous ouvrir. Il était vêtu d'une grossière robe de bure d'une couleur sombre, surmontée d'un capuchon. Un cordon lui saignait les reins. Sa tête était complètement rasée. À peine étions-nous entrés dans la cour qu'il se prosterna à nos pieds et baisa notre chaussure. Jamais je n'oublierai ce que je ressentis à la vue de cet homme s'abaissant ainsi devant ses semblables et se déclarant, par cette humble attitude, le serviteur de l'hôte que le ciel lui envoie. J'étais mille fois plus ému qu'en entendant le branle-bas du combat. Nous lui fîmes connaître nos intentions de demeurer quelques heures dans le couvent. Il nous invita à le suivre jusqu'à la salle des voyageurs, où le frère hôtelier, qui a seul le droit de parler aux étrangers, ne tarderait pas à nous rejoindre. Ce frère était en ce moment à la chapelle. Le portier se retira et nous restâmes seuls dans la salle. Les chants des moines nous arrivaient distinctement. Nous aimions à entendre ces voix fraîches et fortes que donne la solitude et une vie frugale. Ces voix allaient à l'âme et y élevaient des sensations inconnues. Bientôt tout se tut autour de nous. Nous nous mîmes à examiner la pièce où nous attendions. Un grand feu brillait dans le foyer. Quelques chaises et une table composaient tout l'ameublement. Aux murailles étaient suspendus, je ne dirais pas des cadres, mais de simples cartons sur lesquels se lisaient des inscriptions diverses, rappelant toute la brièveté de la vie, la vanité des biens et des joies de la terre. Un quart d'heure s'écoula, après lequel nous vîmes entrer un religieux. Nous comprîmes que nous étions en présence du frère hôtelier. C'était un personnage d'environ 30 ans, d'une physionomie agréable. Il s'exprimait avec beaucoup d'aisance. Ses manières étaient celles d'un homme du monde. Il était évident qu'avant de prononcer ses vœux, il avait dû vivre dans une sphère élevée, occuper peut-être une haute position. Le frère hôtelier ne nous donna pas le temps de nous livrer à son sujet à de longues réflexions. Après nous avoir adressé quelques questions insignifiantes, il se mit gracieusement à notre disposition pour la visite du monastère. Nous acceptâmes sa proposition en le remerciant. De la fenêtre près de laquelle nous étions assis, il nous fit remarquer les riches et verdoyantes campagnes que traverse la Mayenne et que fertilisent les sueurs des religieux. Puis il nous invita à le suivre dans le couvent. Nous nous dirigeâmes d'abord vers la chapelle. 5 ou 6 moines étaient restés après l'office dans le saint lieu. Les uns étaient prosternés la face contre terre, d'autres se tenaient immobiles, appuyés contre des piliers. Nous en vîmes qui, à notre approche, se couvrirent la tête d'un pan de leur robe. Voulaient-ils réprimer en eux jusqu'au moindre mouvement de curiosité, ou craignaient-ils que la vue de 2 étrangers ne réveillât dans leur cœur le souvenir, difficilement éteint, du monde où ils avaient laissé sans doute des personnes bien chères? Qui eût pu le dire? Mais la vue de ces hommes vénérables, méditant ainsi en face de l'Éternel, nous impressionna fortement. C'est à peine si nous remarquâmes les sculptures délicates du cœur et de l'autel. Cet autel est de chêne, 6 chandeliers de cuivre, un crucifix et une lampe de même métal en font l'ornement. Tout dans cette chapelle a un aspect sévère, en harmonie avec les habitudes et les costumes des religieux. En sortant de la chapelle, nous nous rendîmes au cimetière. Là, point de pompeux ornements, point d'épitaphes fastueuses. De simples croix de bois, sur lesquelles on distingue un nom et une date, annoncent seul le lieu où dorment ceux des frères dont la carrière est achevée et qui ont acheté le repos par tant de prières et de fatigues. Une fosse toujours ouverte attend celui des moines que la mort frappera le premier. Mais il est faux que chacun creuse chaque jour la sienne, ainsi que certains écrivains l'ont prétendu. Nous avions le cœur serré en sortant du cimetière. Le frère hôtelier s'aperçut de l'effet que produisait sur nous la vue de ce dont nous étions témoins, et pour dissiper notre tristesse, il se mit à nous entretenir des travaux des religieux. Nous passions alors devant de longs édifices qui servent d'atelier. Nous y entrâmes. Ici, l'on confectionnait des vêtements, là des chaussures, ailleurs des harnais pour les chevaux ou des instruments aratoires. Les moines qui ne savent pas de métier vont aux champs, labourent, soignent les troupeaux. Quant à ceux que l'on désigne sous le nom de pères, prêtres pour la plupart, et tous instruits, ils se livrent à des travaux intellectuels et s'occupent de ce qui concerne le culte. Quelques-uns même écrivent. Les œuvres du baron de Gérand jouissent d'une réputation méritée. Tous ses pères sont vêtus d'une robe blanche, de la même étoffe que celle des autres. Leur tête n'est rasée qu'à la partie supérieure. Comme nous traversions la cour pour gagner le réfectoire, nous eûmes sous les yeux un spectacle qui nous toucha beaucoup. Le frère portier la traversait en ce moment de son côté. Il portait un fusil sur son épaule et tenait à la main un havresac de soldat. J'allais demander l'explication de ce que je voyais quand j'aperçus à quelques pas de lui un militaire qui le suivait en boitant. La fatigue avait surpris cet homme sur la route. Il avait été contraint de rester en arrière et incapable d'aller dans la soirée jusqu'à Laval où devaient coucher ses camarades. Il était venu frapper à la porte du couvent. Il savait que là il pouvait se reposer plusieurs jours et profiter d'une hospitalité gratuite, accordée avec le même empressement aux pauvres et aux riches. Les trappistes, en effet, ont toujours des chambres prêtes pour recevoir les étrangers, et ils traitent leurs hôtes avec une sorte de luxe qu'on ne s'attendrait guère à rencontrer chez les religieux dont la vie est si austère. Le réfectoire était à deux pas. Rien dans cette salle ne nous frappa d'abord. Des tables avec des bancs pour les simples religieux, une table plus petite destinée aux pères. Tout cela donnait à cette pièce un air de ressemblance parfaite avec les réfectoires des collèges. Mais, en passant près de la petite table, nous vîmes, à la place du supérieur, un marteau de bois. Comme nous le regardions avec quelque surprise, le frère hôtelier voulut bien nous en expliquer l'usage. C'est avec ce marteau que le supérieur annonce le commencement et la fin du repas. Les moines ne mangent qu'après le coup de marteau, ils cessent au même signal. Bien plus, toutes les fois que ce signal se fait entendre, ils s'arrêtent, chacun dans l'attitude où ils se trouvent, jusqu'à ce que le supérieur leur permette de continuer. Il ne faut pas que cela surprenne. La patience, la soumission sont des vertus qui ont atteint chez les trappistes les dernières limites. Il va sans dire qu'ils ne prononcent pas une parole à table, non plus que dans n'importe quel autre moment de la journée, à moins de nécessité absolue. Il nous restait à visiter le dortoir. En quittant le réfectoire, nous y montâmes. Nous n'y trouvâmes point encore tout ce qu'on nous avait dit. Figurez-vous une pièce immense, divisée en un grand nombre de cellules, que des cloisons de 6 à 7 pieds de haut séparent les unes des autres. Dans chaque cellule est une couchette très basse, avec un matelas et une couverture semblable à celle des lits militaires. Une chaise et un crucifix complètent ce modeste mobilier. Le linge est inconnu aux religieux, ils le réservent pour les étrangers. La visite du couvent avait duré plusieurs heures. Nous tenions à rentrer avant la nuit à Laval et nous nous excusâmes de ne pouvoir aller visiter aussi les travaux des champs. Nous remerciâmes le frère hôtelier de la complaisance qu'il avait mise à nous donner tous les renseignements possibles et, déposant une offrande dans un tronc fixé près de la salle des voyageurs, nous le priâmes de recevoir nos adieux. Il voulut nous accompagner jusqu'à la porte du couvent. Tout en nous reconduisant, il nous dit quelques mots des revenus de la maison. Ces revenus, hélas, sont tellement minimes qu'on peut à peine y croire. Vous me demanderez sans doute comment de si faibles ressources peuvent suffire à l'entretien d'une communauté. Elles y suffisent cependant. Tout se confectionne dans le couvent. Les moines défrichent des terrains jusque-là improductifs, et ils ne se nourrissent que de légumes. J'ajouterai, à propos de leur nourriture frugale, que le pain leur est mesuré, ce qui ne les empêche pas de prélever sur leur ration la part qu'ils destinent aux malheureux. Nous vîmes en sortant plus de 60 pauvres, femmes, vieillards, enfants, qui attendaient la distribution habituelle des vivres. Nous quittâmes la trappe à 3 heures du soir, emportant dans notre cœur des souvenirs qui ne s'effaceront jamais de notre mémoire. Je me rappelle encore, comme si c'était d'hier, ces religieux errant silencieusement sous les cloîtres et s'inclinant sans nous regarder quand ils nous rencontraient. Je me souviens encore des croix du cimetière, des chants graves de la chapelle. Tout cela m'est resté présent à l'esprit, et voilà pourquoi, madame, je puis, après tant d'années, vous en parler comme de choses tout à fait récentes. Votre récit nous a extrêmement intéressés, s'empressa de répondre madame de Kerdoret, au point que, s'il m'est possible, en retournant à Paris, de m'arrêter à Laval, je veux moi-même faire le voyage de la trappe. Les femmes ne sont point admises à visiter le couvent, répartit monsieur le Troidec. La règle à ce sujet est inflexible, mais les enfants obtiendront d'y entrer. Nous verrons, reprit madame de Kerdoret. Je ne sais pas encore quand nous partirons et quand il faudra que nous soyons à Paris. Peut-être n'aurons-nous pas le temps de nous arrêter en route. J'attends une lettre de mon mari à cet égard. En tout cas, le jour de la rentrée des classes approche et nos jeunes gens devront bientôt songer à faire leurs préparatifs en conséquence. Je pense qu'ils se remettront au travail avec courage. Grâce à vous, monsieur, le séjour du Conquet ne leur a pas semblé ennuyeux. Ils aimaient beaucoup votre conversation et ils ont largement profité de votre obligeance. J'espère bien, madame, que je les verrai encore plus d'une fois avant qu'ils s'en aillent. Je désire qu'ils connaissent mon histoire d'un bout à l'autre, et je les attendrai demain si aucun empêchement ne me prive de leur visite. « Oui, à demain !» répondirent Horace et Ludovic. Monsieur le Troidec prit congé de Madame de Kerdoret, embrassa cordialement les deux enfants et reprit le chemin de sa maison.